Chapitre 18e. Pendant que Wolfgang annonçait ainsi la lecture de l'article du journal concernant M. de Luxeuil, celui-ci, profitant de l'attention que les autres personnages prêtaient aux paroles du maître de la maison, vers qui leur regard était tourné, a dit tout bas à Mme Lambert « Vous avez lu ma lettre ?»« Pour mon malheur, » a répondu Francine, tout bas aussi, d'une voix tremblante et les larmes aux yeux. « Laissez-moi, monsieur. »« Faisons la paix, jalouse, » a répondu effrontément le beau. « Ne voyez-vous pas que je donnais le change à votre mari en m'occupant de cette bégueule de Sylvia ? Elle n'est que belle, vous êtes ravissante. » À cette fadeur, Francine, levant ses grands yeux bleus encore humides et où brille une lueur d'espérance, a regardé furtivement M. de Luxeuil et il a ajouté « Sylvia est furieuse de me voir près de vous, je vous adore. » « S'il était vrai, » a murmuré Mme Lambert, le visage pourpre, la poitrine gonflée, au moment où Wolfgang, debout devant la cheminée, lisait ce qui suit. L'on annonce dans le monde élégant une solennité hippique qui doit avoir lieu jeudi prochain à la Croix de Bernie et qui préoccupe vivement nos sportmen. Il s'agit d'un steeplechase, une course au clocher, entre deux des plus brillants gentlemen riders, gentilshommes qui montent leurs chevaux, M. de Noirmont et M. de Luxeuil. Le premier de ces deux messieurs montera le célèbre sultan Bizapour et la non moins célèbre Mademoiselle Madeleine sera montée par M. de Luxeuil. Des paris considérables sont engagés pour cette course, qui offrira des obstacles véritablement formidables, entre autres la rivière de Bièvre, large de 20 pieds, que les deux concurrents devront franchir 3 fois. Mme Lambert à part. « Grand Dieu, que c'est effrayant! Faut-il qu'il soit courageux ?» Wolfgang, lisant. De plus, 3 haies de 5 pieds chacune. Enfin, et c'est celui-là le plus redoutable des obstacles, un mur en pierre sèche de plus de 5 pieds d'élévation. Madame Lambert, à part. C'est à se tuer 100 fois, mon Dieu. Ah, si Monsieur de Luxeuil m'aimait, il me promettrait de ne pas ainsi risquer sa vie. Wolfgang, lisant. Jusqu'à présent, les paris ouverts sont en proportion de 3 contre 1 en faveur de Mademoiselle Madeleine, non seulement à cause de la renommée bien connue de cette victorieuse jument, mais parce qu'elle sera montée par son propriétaire, M. de Luxeuil, l'un des princes de notre jeunesse dorée, si connu dans la fashion parisienne et sur le turf, le champ de course, par la vigueur, le sang-froid et l'intrépidité dont il a fait preuve dans différentes courses très périlleuses. En effet, selon les juges les plus compétents en ce qui touche l'art équestre, M. de Luxeuil, cavalier raffiné, joint une rare solidité à une exquise élégance. M. de Luxeuil. Allons, allons, ce monsieur exagère. Je monte parfaitement bien à cheval, voilà tout. Wolfgang. Vous êtes, monsieur, trop modeste en vérité. M. de Luxeuil. Non, d'honneur, je serai moins bon cavalier, je le dirai avec la même sincérité. Wolfgang, lisant. Nous avons, l'an passé, lors des courses de haies de Chantilly, lesquelles ont occasionné des accidents si graves parmi les gentlemen riders qui y prenaient part, nous avons, disons-nous, été personnellement témoins de l'espèce d'ovation dont M. de Luxeuil, vainqueur de cette course, a été l'objet de la part de la foule enthousiasmée. Nous le voyons encore, vêtu de sa casaque de soie orange, coiffé de sa toque de velours noir, arrivé seul et distançant de bien loin ses rivaux, dont plusieurs étaient désarçonnés ou grièvement blessés. Nous voyons encore, disons-nous, M. de Luxeuil franchit la dernière haie avec autant de hardiesse que d'aisance et de grâce et saluant de la main, avec une courtoisie chevaleresque, la fine fleur de nos élégantes et de nos femmes à la mode placées dans les tribunes. Elles applaudissaient avec transport ou agitaient leurs mouchoirs, acclamant l'heureux vainqueur que bien des beaux yeux suivaient d'un regard charmé. M. de Luxeuil, avec un aplomb imperturbable. « Ici, le journaliste rentre dans le vrai. Il n'exagère plus. Je lui rends justice. » Ça a été, comme il dit, une véritable ovation. Que voulez-vous, ce n'est pas ma faute à moi, c'est la faute à ces dames. Wolfgang. Ah, monsieur, soyez-leur du moins indulgent, il lit. Il est donc à croire, si l'on en juge d'après les proportions des paris, que le prochain steeplechase de la Croix de Bernie sera pour M. de Luxeuil l'occasion d'un nouveau triomphe. Mme Lambert, à part, après avoir constamment attaché son regard ravi sur M. de Luxeuil, « Et il m'aime, lui, dont on vante publiquement la grâce et le courage. Lui, l'un des princes de la jeunesse élégante. Lui, l'idole de tant de belles dames du grand monde qui l'applaudissait avec enthousiasme. Il m'aime, moi, pauvre petite boutiquière. Ah, si je le pouvais croire, combien je serais fier !» Tressaillant et s'attristant, Et pourtant, tromper mon mari? Ah, je serais bien coupable. Non, je ne veux pas. Je ne dois pas aimer, monsieur de Luxeuil. Je serais trop malheureuse. Mon Dieu, voilà qu'il regarde cette madame Wolfram. Oh, que je souffre. Alexis Borel, à part. Ce fat insolent n'a pas sourcillé devant cet article louangeur. Il n'en a interrompu la lecture que pour confirmer ses éloges accordés à son incomparable mérite. Je n'ai pas osé lever les yeux sur madame Wolfram, de crainte de lire sur ses traits son admiration pour ce centaure. Hélas, peut-être elle partage l'enthousiasme de ces belles dames des tribunes qui à Chantilly applaudissaient avec transport cet heureux vainqueur. Wolfram, après avoir déposé le journal sur la cheminée, s'adressant à monsieur de Luxeuil. Je partage, monsieur, l'espoir de l'auteur de cet article. Le prochain steeplechase de la Croix de Bernie sera pour vous l'occasion d'un nouveau triomphe. Monsieur de Luxeuil, si cela ne dépendait que de moi, je dirais tout bonnement oui, parce que je suis excellent homme de cheval et que je me connais. Sylvia, heureusement pour vous, monsieur, car il y a tant d'inconvénients à ignorer son propre mérite. Cela rend d'une défiance. Monsieur de Luxeuil, des plus fâcheuses. On hésite, on recule devant les obstacles, tandis que moi, me connaissant comme je me connais, j'arrive devant un obstacle, persuadé que je le franchirai, et je le franchis. Mais par malheur, mademoiselle Madeleine est gravement indisposée. Sylvia, vraiment, cette pauvre demoiselle, s'adressant à madame Borel. Ne trouvez-vous pas, madame, quelque chose de délicat et de touchant dans la nouvelle coutume de messieurs les hommes de cheval, comme ils s'intitulent? Ils donnent à des bêtes le nom de madame ou de mademoiselle. Transporter ces formules du langage dans l'écurie, où ces messieurs vivent journellement en si étroite communion de goût et de pensée avec ces dames et ces demoiselles à quatre pieds, me paraît un acte d'équité dont je suis véritablement attendri. Alexis Borel, à part. Bravo! Quelle fine et mordante ironie à l'adresse de l'homme cheval, car la particule de « est de trop ». Monsieur de Luxeuil, à part. Elle est furieuse de jalousie, elle veut me piquer, tout va bien. Allons, sa mort, sa mort. Oh, et montrant ses dents. Et que trouvez-vous donc, madame, de si attendrissant dans notre coutume de donner à nos juments le nom de madame et de mademoiselle? Sylvia. Comment, monsieur, n'est-ce point un acte de conscience et d'équité des plus touchants que d'accorder le titre de madame et de mademoiselle à celles-là qui sont vos compagnes habituelles, qui ont la plus grande part dans votre vie, qui sont votre joie, votre orgueil, qui causent enfin vos plus vives et souvent vos seules émotions? Mais vous seriez d'abominables ingrats, messieurs les hommes de cheval, si vous n'éleviez pas vos compagnes jusqu'à vous en les traitant en égales. Monsieur de Luxeuil, à part, frappé d'une idée subite. Je parie qu'elle est jalouse de mademoiselle Madeleine. D'honneur, ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Madame Borel, riant, et à Sylvia. Je partage de tout point, chère madame, votre juste admiration pour l'équité dont font preuve ces messieurs. Sylvia. Aussi, je demanderai à monsieur de Luxeuil, avec un redoublement d'intérêt, des nouvelles de mademoiselle Madeleine, car je l'ai malheureusement interrompue au moment où il allait nous informer de la santé de cette chère créature. Madame Lambert, à part. Quel esprit méchant elle a, cette madame Wolfram. C'est peut-être qu'elle en veut à monsieur de Luxeuil de ce qu'il l'a quittée pour venir s'asseoir près de moi. Oh, s'il en était ainsi, combien je serais glorieuse de la rendre jalouse. Monsieur de Luxeuil, à Sylvia. Puisque vous voulez bien, madame, vous intéresser à la santé de mademoiselle Madeleine, je vous dirai, d'un ton doctoral, qu'elle est atteinte d'une péripneumonie au premier degré. Sylvia. Bon Dieu, en juger par ce nom terrible, ce doit être une bien redoutable maladie que celle-là. Monsieur de Luxeuil. Certes, madame, lorsque la maladie n'est pas soignée à temps, mais je conserve bon espoir. J'ai envoyé mademoiselle Madeleine à Viroflay. Mon vétérinaire va deux ou trois fois par jour la visiter, car la fièvre, l'insomnie, l'épuise, elle est si nerveuse. Madame Lambert, à part. Comme il a bon cœur, quel intérêt il témoigne à ce pauvre animal. Sylvia, à madame Borel. Madame, vous entendez, mademoiselle Madeleine est nerveuse. Madame Borel, souriant. Elle a peut-être des vapeurs. Sylvia. Voyons, monsieur de Luxeuil, soyez sincère. Vous aurez, malgré tout votre esprit, malgré votre parfait savoir-vivre, et bien involontairement sans doute, blessé peut-être par un léger manque de tact ou d'égard, par un mot brusque, par un regard moins tendre, que sais-je, vous aurez blessé, dis-je, la sensibilité de cette pauvre demoiselle. Les personnes nerveuses sont toujours si impressionnables. Monsieur de Luxeuil, très vexé et riant d'un rire forcé. Charmant, charmant, charmant. Wolfram à part. Les sarcasmes de Sylvia finiront par intimider ce maître sot, malgré son formidable aplomb, et nous ne jouirons plus de son outrecuidance dans toute sa plénitude. Venons à son secours. Oh. Ne vous y trompez pas, mesdames. Monsieur de Luxeuil a dit le mot vrai, nerveuse, en parlant de Mademoiselle Madeleine. La fameuse Cornélia, mère du célèbre Éclipse, qui, sans avoir jamais été touchée de la cravache ou de l'éperon, a gagné 23 courses dont le gain s'est élevé à plus d'un million. Monsieur Borel, riant. Quel habile financier que cet Éclipse! Monsieur de Saint-Prosper, dont l'œil brille de convoitise. Plus d'un million? Plus d'un million? Sylvia, Wolfram. Eh bien, cette illustre Cornélia? Wolfram. Elle était douée d'une telle intelligence, elle était si nerveuse, ainsi que le disait Monsieur de Luxeuil de Mademoiselle Madeleine, qu'après ses débuts sur le turf, elle devina, l'an suivant, au régime particulier, en un mot, à l'entraînement auquel on la soumettait afin de la préparer à la course, qu'elle devait bientôt courir encore. Alors, l'ardente préoccupation et l'impatience de cette lutte prochaine impressionnèrent si vivement Cornélia qu'en proie à une agitation incessante, elle perdit l'appétit, le sommeil, enfin dépérit à ce point que l'on dut renoncer à continuer de l'entraîner. La cessation de ce régime mettant fin à ses préoccupations, elle recouvra la santé. Or, chose inouïe, malgré le défaut d'entraînement, condition indispensable à tout cheval de course, Cornélia néanmoins battit toujours ses rivaux. Monsieur Borel, c'est incroyable d'intelligence et pour ainsi dire de raisonnement chez un cheval. Wolfram. D'où il suit, mesdames, que Monsieur de Luxeuil est parfaitement dans le vrai lorsqu'il parle de l'agitation de Mademoiselle Madeleine, mais espérons qu'elle sera bientôt en état de poursuivre le cours de ses succès. Monsieur de Luxeuil, à part. Décidément, ce Monsieur Wolfram est un sportman très distingué. Oh, à Sylvia. Eh bien, madame, ai-je tort de dire que Mademoiselle Madeleine était nerveuse? Vous regretterez, je l'espère, de vous être moqué de moi à ce sujet. Et pour pénitence, vous viendrez à la Croix de Bernie, n'est-ce pas? Wolfram. C'est une excellente idée. Qu'en pensez-vous, Sylvia? Sylvia, à Madame Borel. Vous plairait-il, madame, d'être de cette partie? Madame Borel. Avec le plus grand plaisir, mais surtout, afin de jouer de votre agréable compagnie, madame, car je l'avoue, les courses m'intéressent assez peu. Monsieur Borel. Et moi, je serais enchanté d'assister pour la première fois à une course au clocher. Monsieur de Luxeuil. Je me charge de faire réserver des places pour ces dames au premier rang des tribunes. À Sylvia, presque familièrement. Ainsi, vous venez, c'est convenu. Madame Lambert, à part, avec angoisse. Mon Dieu, comme il la regarde encore, comme il est galant pour elle. Alexis Borel. Si Madame Wolfram se rend à cette course, je n'irai certes pas pour assister au triomphe de ce fat. Sylvia, à Madame Lambert, avec une gracieuse affabilité. « Chère madame, je vous offre une place dans ma voiture pour aller à cette course. » Madame Lambert, rougissant. « Madame, je... » Sylvia. « Oh, j'obtiendrai, je n'en doute pas, l'agrément de Monsieur Lambert. Justement, le voici. » S'adressant au libraire qui sort de la bibliothèque où sont restés Monsieur Dubousquet et Bonhomme. « Mon cher Monsieur Lambert, venez ici près de moi. J'ai une grâce à vous demander. » Alexis Borel, quittant la place qu'il occupait derrière la causeuse où sont assises Madame Borel et Sylvia, qui s'entretient avec le libraire, va rejoindre M. Borel, Wolfram et M. de Saint-Prosper, groupés devant la cheminée. M. de Luxeuil profite de l'inattention générale pour dire tout bas à Francine « Vous viendrez à la Croix de Bernie ?»« Vous risquez de vous voir tuer ? Non, non !» murmura Madame Lambert d'une voix altérée. « Et puis je... » « Bah, quel enfantillage !» répond le beau, interrompant Francine. « Je veux que vous veniez, moi, si vous m'aimez. Et vous, si vous m'aimiez, vous renonceriez à cette course. »« J'y consens, » dit M. de Luxeuil. « Mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda timidement Francine. « Dites-la-moi. »« Je vous la dirai tout à l'heure, dès que j'en trouverai l'occasion, ange de ma vie, » répond M. de Luxeuil. Et son regard empourpre le visage de la jeune femme à qui Sylvia s'adresse en ce moment en lui disant « J'étais assurée d'avance, ma chère madame, d'obtenir le consentement de M. Lambert. Il est donc convenu que nous irons ensemble à la Croix de Bernie. » M. Lambert, à sa femme, dont il remarque l'embarras « Je sais, ma chère enfant, que de tels plaisirs ne conviennent guère à des personnes de notre modeste condition, mais Madame insistait avec tant de bienveillance, souriant avec bonté. Puis, une fois n'est pas coutume, et vous avez d'ailleurs si peu de distraction, que je vous verrai avec plaisir, je vous l'assure, acceptez l'honneur que madame veut bien vous faire en vous emmenant avec elle. » Madame Lambert, à part. « Un temps de bonté de mon mari me navre. » « Oh, avec embarras. » « Je suis très reconnaissante à madame de son obligeante invitation. » « Et puisque vous le désirez, mon ami, » Wolfram à Sylvia. « Monsieur Lambert n'avait pas trop présumé de la générosité de notre sauvage exilé, » montrant du regard la porte de la bibliothèque où est resté Monsieur du Bousquet. « Il attend l'heure du concert en feuilletant obstinément des albums, et il a souscrit à l'œuvre de Monsieur de Saint-Prosper pour une somme annuelle de 300 francs, » m'a dit Monsieur Lambert. « Monsieur de Saint-Prosper, je vais aller le remercier de... » Monsieur Lambert, de grâce, n'y allez pas. Il est si timide que vous l'embarrasseriez. Je me charge de vos remerciements, moi qui l'ai un peu apprivoisé. Wolfram, regardant la pendule. Il est 9 heures passées. Peut-être n'aurons-nous pas le plaisir de voir ce soir Monsieur de Francheville. Toutefois, mesdames, si nous devons être privés de sa présence, vous le connaîtrez du moins moralement. Veuillez, à ce sujet, m'accorder quelques minutes d'attention. Et écoutez cet article de journal relatif à M. de Francheville. Je vous ferai remarquer que c'est un journal de l'opposition qui y parle, et que M. de Francheville est fonctionnaire public. Wolfram, lisant. L'on nous a souvent reproché, ainsi qu'aux autres organes de la presse indépendante, de faire au ministère une opposition systématique. Nous sommes heureux de rencontrer une fois de plus l'occasion de démentir cette allégation par un fait. Certes, nous nous sommes toujours élevés avec véhémence contre la corruption. Certes, nous avons stigmatisé, comme nous devions le faire, le scandale de ces pots de vin, honteux trafic dont ne bénéficient que trop souvent des hommes dont la position rend leur convoitise doublement criminelle. Nous n'avons pas besoin de rappeler le procès intenté dernièrement devant la cour des pairs à un ministre et à ses complices. Mais, par cela même que cette odieuse vénalité nous a toujours semblé mériter la flétrissure la plus infamante, l'intégrité chez un fonctionnaire public a d'autant plus droit à nos respects, à nos hommages, que des exemples contraires se sont malheureusement produits sous le gouvernement du roi Louis-Philippe. Ces respects, ces hommages, nous les accordons hautement et sans restriction à l'un de nos adversaires politiques les plus déclarés, M. de Francheville, secrétaire du ministre. M. de Francheville, au moment où son nom est prononcé, paraît au seuil de la porte du salon, et il fait signe au domestique qui le précède de ne point l'annoncer, semblant vouloir, par courtoisie, attendre pour se présenter au maître de la maison qu'il ait achevé une lecture à laquelle les personnes prêtent une vive attention. Néanmoins, surpris et contrarié de trouver en nombreuse compagnie le propriétaire auquel il venait se plaindre de l'impertinence de Tranquillin, M. de Francheville, à qui l'assistance tourne le dos, n'a été aperçu que de Wolfram. Celui-ci, feignant de ne pas avoir vu le nouvel arrivant, a ainsi poursuivi sa lecture. Ce soir, à 4 heures, M. de Francheville a déposé au parquet de M. le procureur du roi une plainte en tentative de corruption contre la maison Gobert et compagnie, adjudicataire d'une fourniture considérable par arrêté ministériel de ce jour. Voici les faits, nous les tenons de sources certaines. M. de Francheville, chargé par le ministre de son département de l'adjudication de la fourniture dont il est question, l'a accordé, après mûr examen, à la maison Gobert qui lui semblait offrir toutes les garanties désirables pour la sincère exécution de ses engagements envers l'État. Et aujourd'hui, à 3 heures, a été signé, nous le répétons, par le ministre, l'arrêté qui adjugeait cette fourniture à la maison Gobert et compagnie. Le représentant de cette maison, jugeant malheureusement M. de Francheville, d'après d'ignominieux exemples dont un procès fameux a récemment dévoilé l'infamie, eut la coupable pensée de vouloir témoigner de sa reconnaissance envers ce fonctionnaire en lui envoyant dans une lettre 100 000 francs en billets de banque. M. de Saint-Prosper, le regard brillant, 100 000 francs, 100 000 francs, M. Lambert, avec ironie, voilà du moins un fournisseur qui sait vivre. M. de Luxeuil, montrant ses belles dents et enchanté de son bon mot. « Les petits cadeaux entretiennent les fournitures. Hé hé !» Madame Lambert, à part. « Comme il est spirituel !» Alexis Borel, indigné, s'est jeté par la fenêtre à la maison Gobert et compagnie. « Monsieur Borel, Cette offre seule constitue un sanglant outrage envers M. de Francheville. » Wolfram, à M. Borel. « Vous dépensez ainsi, monsieur, vous, l'homme intègre jusqu'au scrupule le plus ombrageux. Mais ce M. Gobert, de qui la conscience est fort élastique apparemment, aura considéré son offre outrageante comme un procédé fort délicat. Les coquins ont une délicatesse à eux, une probité à eux. » Sylvia, à Madame Borel, à demi-voix. « Voyons donc, chère madame, comme M. Borel semble péniblement affecté au seul récit d'une infamie, je ne m'en étonne pas. Cet amer ressentiment des indignités est la pierre de touche des nobles âmes. » Madame Borel. « Aussi, jugez, madame, des froissements continuels dont mon mari a journellement à souffrir dans le monde des affaires, malheureusement si peu scrupuleux, sauf exception. » M. de Francheville, toujours à l'écart et inaperçu au fond du salon et à part. « Je ne regrette pas tant sans faux la lecture de cet article. J'ajournerai donc mes réclamations à l'endroit de mes voisins et de cet insolent intendant. Mais je ne sais si je dois ou non interrompre cette lecture dont je suis l'objet. Attendons encore. » Avisant la porte de la bibliothèque ouverte à deux pas de lui. « Entrons là, car ma position finirait par devenir ridicule. » M. de Francheville, sans qu'on le remarque, entre dans la bibliothèque. Alexis Borel. « Ce que je ne comprends pas, c'est que M. de Francheville, jouissant probablement d'un juste renom de probité, ait pu seulement être l'objet d'une si honteuse tentative de corruption. » Wolfram. « Votre observation est fort juste. Aussi la maison Gobert, connaissant l'intègre réputation de M. de Francheville, s'est bien gardée de lui offrir ce pot de vin avant la signature de l'adjudication, ce qui, du reste, au point de vue judiciaire, a tenu de beaucoup la gravité de cette tentative de corruption. » M. Borel. « Évidemment. » Wolfram. Et encore, la maison Gobert, sans doute convaincue de la probité de ce haut fonctionnaire, n'a point osé lui offrir brutalement cette rémunération de 100 000 francs. M. de Saint-Prosper. 100 000 francs, c'est considérable. Et comment donc s'y est prise la maison Gobert pour dissimuler dans son offre ce qu'il y avait d'offensant pour M. de Francheville ? Wolfram. Les dernières lignes de cet article sont fort explicites à ce sujet. Je reprends. Lisant. La maison Gobert eut la coupable pensée de vouloir témoigner de sa reconnaissance envers M. de Francheville en lui envoyant dans une lettre 100 000 francs en billets de banque. Mais telle était la haute réputation de probité de M. de Francheville, notre impartialité nous commande de rendre justice à nos adversaires politiques, que la maison Gobert, ayant vaguement conscience de l'indignité qu'elle commettait et supposant la possibilité d'un refus de la part de l'intègre fonctionnaire, lui adressait cette somme considérable en le priant de l'employer en bonnes œuvres, sous le sceau d'un profond secret, et sachant combien il était charitable, n'ayant d'autre fortune que les émoluments de sa place. M. de Saint-Prosper, à part. « Encore un souscripteur pour mon œuvre. » Wolfram, lisant. « De sorte que si M. de Francheville, nous le reconnaissons à sa louange, eût été d'une intégrité douteuse, il pouvait accepter ce don, sous le prétexte honorable qu'on lui fournissait, et disposait de cette somme à son gré. Mais il n'en a pas été ainsi. Disons-le, avec une satisfaction profonde, car cet exemple de haute probité donné par l'un de nos adversaires politiques, d'autant plus méritant, nous le répétons, qu'il ne possède aucune fortune, nous console des turpitudes contre lesquelles la conscience du pays s'est dernièrement soulevée avec tant d'énergie et d'indignation. » M. de Francheville a fait, en cette circonstance, ce que devait faire un honnête homme outragé. Il a déféré au tribunal l'indigne tentative de corruption dont il avait été l'objet, puis ce noble et salutaire exemple. Wolfram est interrompu par M. de Francheville, qui sort précipitamment de la bibliothèque, va droit à Wolfram et d'une voix altérée s'écrie « Monsieur, votre religion a été odieusement surprise. Vous recevez chez vous un forçat libéré. »